Chapitre 3e, le neveu. Joseph, qui était ainsi que Marceline, très attaché à ce chien, une sorte de roquet sans race, mais qu'on avait dans la maison depuis longtemps, n'eut pas le temps de regretter son départ, parce qu'à ce moment arrivait M. Charles Thénin, le neveu de la victime. Charles Thénin, prévenu par les soins du vieux Joseph, accourait tout en larmes, tout troublé et manifestant vraiment un profond chagrin. Il se jeta dans les bras du vieux serviteur qui l'avait en quelque sorte élevé, pleura longuement avec lui. « Mon bon Joseph, quel épouvantable malheur! Mon oncle, mon cher oncle, mort, assassiné! Oh, c'est incroyable! C'est impossible! C'est affreux !» Les magistrats laissèrent cette douleur se manifester, cette crise de larmes passée, et M. Baumier s'approcha du neveu accablé de chagrin et lui fit entendre quelques paroles de compassion et de réconfort. « Maintenant, monsieur, lui dit-il, il vous reste un devoir à remplir, celui de seconder la justice. « Bien, monsieur, je suis tout à votre disposition. Usez de moi sans crainte. Il faut venger absolument la mort de mon oncle. Il faut que le misérable soit puni. » Les magistrats amenèrent Charles Thénin devant le cadavre de son oncle. Charles Thénin, éclatant en sanglots, ayant peine à se soutenir tant le poids de sa douleur l'accablait, tenant sa figure dans son mouchoir tout mouillé de larmes, se laissa tomber à genoux devant le sofa sur lequel on avait provisoirement déposé le cadavre. « Mon oncle, mon cher oncle, murmura-t-il, mon pauvre oncle. » Respectueusement, les magistrats se tenaient à un pas derrière, regardant cet homme dont la douleur était si grande, si sincère, si simplement exprimée, et malgré leur grande habitude de pareilles scènes, ils se sentaient émus. Paulin Broquet, lui, n'avait pas bougé du fauteuil où il se trouvait depuis que Charles Thénin était arrivé. Il se trouvait dans un coin de la pièce, dans la pénombre, et pouvait voir tout ce qui se passait sans que sa présence fût remarquée. Gabriel se tenait près de lui, le masquait même par moments, mais ne l'empêchait point de voir la scène et de suivre les moindres mouvements du neveu désolé. « Bien joué !» murmura Paulin Broquet à son lieutenant. « Il est bien stylé, bien dressé par son maître Zigomard, notre ancien ami, le 1. » Il avait, lui, remarqué que le neveu était beaucoup moins désolé qu'apeuré, et que la manifestation de sa grande douleur cachait admirablement la faiblesse, le flottement de ses jambes, le tremblotement de tout son corps en pénétrant dans la chambre. Il remarqua aussi qu'en gardant son mouchoir inondé de larmes, Charles Thénin empêchait ses yeux de regarder le cadavre, et il vit qu'en se relevant ensuite, le neveu avait immédiatement détourné la tête du sofa comme pour s'arracher à une vision terrible, et que son regard affolé avait erré dans toute la pièce, cherchant quelque chose, quelqu'un. Et Paulin Broquet, devinant ce que cherchaient ses yeux remplis de larmes et apeurés, eut derrière Gabriel qui le masquait un étrange sourire. Tout bas, il dit à son lieutenant, « C'est lui. »« Je le crois aussi, chef. Reste à établir sa culpabilité. » Peu après, pour ne pas rester davantage dans cette pièce lugubre, les magistrats passaient dans un petit salon attenant à la chambre à coucher. Et ils interrogèrent le neveu qui répondait à travers ses sanglots. M. Urbain, très consciencieusement, sans arrière-pensée, sans concevoir aucun soupçon de ce dont Paulin Broquet et Gabriel étaient absolument convaincus, posa avec déférence, ménageant sa douleur, des questions à Charles Thénin. M. Baumier, lui, écoutait, suivait l'interrogatoire. Quant à Paulin Broquet, il s'était glissé dans la pièce sans qu'on s'aperçût de sa présence et se tenait derrière le neveu de plus en plus désolé. Et il sentait dans ses mains une démangeaison folle de lui mettre, sans plus de formalité, la poigne au collet. Mais, curieux, il attendait, voulant savoir comment Zigomard, car il ne doutait pas que ce fût un coup monté par Zigomard, avait préparé cette opération. Charles Thénin répondit très simplement, sans chercher à se dérober aux questions du juge d'instruction. Il donna tous les détails qu'on lui demandait, précisa tous les points. Et cela lui était d'autant plus facile que plus on lui posait de questions sur la soirée, sur le temps qu'il avait passé avec son malheureux oncle, plus on le mettait à même d'affirmer son innocence. Il dit au magistrat ce que déjà les déclarations de Joseph avaient établi, qu'il vint, comme presque tous les soirs, passer une heure avec son oncle, faire sa partie de piquet. Puis il sortira vers l'heure habituelle. Il dit bonsoir à Joseph en passant devant la porte et il s'en alla. Il avait laissé son oncle en parfaite santé et de bonne humeur parce qu'il avait gagné la partie. « Ah, j'étais loin, monsieur, conclut-il, de m'attendre à une pareille nouvelle ce matin, et vous me voyez absolument accablé. » Charles Thénard donna, sans que d'ailleurs le lui demander le juge d'instruction, l'emploi de sa soirée. C'était une maladresse. Quand on est coupable, il ne faut jamais trop prouver son innocence. Surtout lorsque, comme en ce moment, personne ne la tient pour suspecte. Cependant, malgré cette maladresse que le juge d'instruction ne releva pas, Charles Thénard établit parfaitement qu'il ne pouvait être le coupable. Son départ, le bonsoir à Joseph au moment de sortir de la maison, tout cela s'était très bien arrangé. Charles Thénard était parti. C'était après son départ que le chien avait aboyé, que l'odieux crime s'était commis. Comme le juge d'instruction remerciait le neveu affligé de son obligeance à répondre à toutes les questions, Paulin Broquet alors tout à coup prit la parole. « Permettez-moi, monsieur le juge, de dire un mot. » Et il s'avança vers le bureau derrière lequel se tenaient les magistrats. En entendant cette voix qu'il reconnut aussitôt, Charles Thénard, brusquement, se retourna. En voyant Paulin Broquet, bien qu'il s'attendît à le voir, bien qu'il sût qu'il était là, il ne put s'empêcher de tressaillir. Tout soupçon de culpabilité était, d'après cet interrogatoire, nettement écarté. Je me permets de vous faire remarquer qu'il y a cependant un point qu'il faut surtout préciser, car il pourrait bien donner naissance à une supposition dangereuse, à une supposition qu'il faut absolument détruire. Je veux parler du départ de M. Thénard quand il est sorti de la maison. Il faut bien préciser que M. Thénard est parti et n'est pas revenu. Joseph m'a ouvert pour m'en aller. Joseph peut dire que j'ai fermé la porte et que je n'ai pas sonné pour revenir. Naturellement. Vous savez cependant, messieurs, que le rôle des concierges est absolument illusoire pour la garde des maisons de Paris la nuit. Il n'est rien de plus facile que de se faire ouvrir la porte d'une maison, d'y pénétrer et d'en sortir, ou bien d'en sortir d'abord et d'y pénétrer ensuite, tout en ayant très fortement fait claquer la porte pour donner à croire aux concierges qu'on est sorti, parti, et qu'on ne peut revenir. Paulin Broquet expliqua au magistrat quelque peu étonné en écoutant ses déclarations. M. Thénard n'étant pas en cause, je puis faire devant vous la démonstration très simple de ce que j'avance. Donc, supposons qu'un homme est dans la maison, l'homme est connu de tout le monde. Le crime n'est pas encore commis, car on peut voir aller venir la future victime, l'entendre, lui parler. La victime est parfaitement vivante et ne se doute de rien. Bon, l'assassin, pour affirmer l'alibi, passe devant le concierge. Il demande le cordon, on lui ouvre la porte, parfait. Le voilà parti. Son innocence est établie. Mais l'assassin presque aussitôt revient. Il ouvre très tranquillement la porte qu'il vient de fermer et lui, qu'on sait parti, il rentre de nouveau dans la maison. Sans sonner, bien entendu. Cela n'est pas nécessaire puisque la porte est ouverte. Mais s'il l'a tiré en s'en allant, il n'a pas oublié de le faire. Et il l'a fait, et même très fortement, pour qu'on ne puisse pas douter qu'il l'ait fait. Alors, seulement, messieurs, en l'attirant, il a eu soin d'employer un moyen très habile et très simple de fermer une porte tout en la laissant ouverte. Comment cela? On met tout bonnement devant la serrure une feuille de zinc ou de tôle, sur le battant bien entendu. La gâchette marche, mais le pêne ou le ressort que fait jouer le cordon de la concierge est arrêté par ce petit tablier. Il ne mord pas, et la porte fermée reste cependant ouverte. Il n'y a plus qu'à la pousser doucement, au moment voulu, pour pénétrer dans la maison sans être aperçu. Paulin Broquet conclut. « Mais je le répète, M. Thévenin neveu ne pouvant être mis en cause ici, je fais une simple supposition, une simple démonstration. J'ajoute, messieurs, que ce crime me paraît dû à une main des plus habiles, et je crains fort que nous ayons beaucoup de mal à trouver la trace de l'assassin. » Puis, incidemment, au bout d'un moment, après que les magistrats eurent remercié Charles Thénard de son empressement à répondre à leurs questions et fait l'éloge du défunt, Paulin Broquet dit au neveu « Ce n'est pas seulement par les hommes que votre cher oncle sera regretté, mais aussi par son chien, ce bon Pyram. Oui, il a, je gage, dû défendre certainement très courageusement son maître. Peut-être même a-t-il mordu l'assassin. C'est une supposition. En tout cas, cette pauvre bête a éprouvé une si forte colère que tout son être s'en est trouvé subitement modifié. Le docteur, comme moi, comme nous tous, avons trouvé à Pyram un air sombre, étrange, des yeux brillants et fixes, et un peu de bave au coin des lèvres. « Ah ! » fit vivement Charles Thénard. « Vraiment ? Et vous en concluez ?»« Que Pyram est atteint de rage. Il est enragé. Et s'il a mordu l'assassin, comme je l'espère, cet homme a emporté le virus de la rage. Vous croyez ? C'est certain. Ce n'est plus maintenant qu'une affaire de quelques jours. La rage va faire son évolution, et cet homme subira le plus terrible des châtiments pour son forfait. Mais s'il va dans un institut, Aujourd'hui, grâce à Pasteur, on guérit parfaitement de la rage, c'est vrai. Mais alors il tombe de nos mains. Nous avons dit à tous les instituts, à tout praticien, à tout pharmacien, de nous signaler les hommes qui viendraient se faire soigner pour une morsure de chien. Donc l'assassin n'a plus que deux solutions, ne pas se faire soigner et mourir enragé, ou aller chercher une piqûre de sérum antirabique et tomber en notre pouvoir. De toute façon, il est pris. Et il termina. Nous n'avons plus qu'à attendre.